Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de se mettre un peu de science dans les oreilles avec Futur Simple. Face à la désinformation et à la mésinformation, nous devons développer notre esprit critique. Or, notre cerveau se fait facilement piéger par les biais cognitifs, par les arguments fallacieux, par les techniques de persuasion. Avec Anthony Bertrand-Grenier, qui fait un doctorat en épistémologie, nous avons déjà parlé des biais cognitifs. Et à 18h30, aujourd'hui, il sera de retour avec nous pour parler des techniques de persuasion. Mais en attendant, c'est du champ magnétique terrestre dont nous allons parler. Ce champ magnétique, lui aussi, nous joue des tours car il protège la vie sur Terre, mais il n'est pas stable. Et on en parle avec l'astrophysicien Jean-René Roy. Bonjour Jean-René. Bonne soirée, Valérie. Alors Jean-René, la Terre a un champ magnétique, on le sait bien, mais la Lune n'en a pas. Puis Mars ou Mercure peut-être n'en ont pas. Est-ce que toutes les planètes dans le système solaire ont ou n'ont pas un champ magnétique? Est-ce que la Terre fait figure d'exception? La Terre fait un peu bande à part. C'est la seule des petites planètes qui a un champ magnétique très développé. C'est un peu imaginer la Terre comme s'il y avait une petite barre comme l'aimant que vous avez peut-être à la maison, dont un bout va attirer les petites pièces métalliques et l'autre bout les repousser. Donc, la Terre a un champ magnétique et on le mesure avec une unité qui est de l'ordre du gauss. Gauss, c'est le nom d'un physicien du 18e siècle. Donc, en gros, c'est la force qui va, par exemple, si vous avez une boussole, orienter l'aiguille de la boussole dans la direction locale du champ magnétique. L'autre planète qui a un champ magnétique très intense, c'est Jupiter. Et les deux planètes, d'ailleurs, sont caractérisées par le fait que ce champ magnétique dépasse évidemment les dimensions de la Terre et qu'il forme finalement un système qu'on appelle magnétosphère, un peu le nom d'atmosphère, mais magnéto parce que c'est le champ magnétique qui domine cette région qui s'étend à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la Terre, même dans la direction opposée au Soleil jusqu'à même presque Ah la Lune. ouais, ça loin, ouais. Donc, cette magnétosphère, elle est importante, c'est elle qui, en quelque sorte, gobe les particules chargées émises par le Soleil et qui vont, entre guillemets, nous protéger de ces rayons cosmiques. Ce sont des particules et non pas des rayons, et qui n'entrent pas dans l'atmosphère aisément. Ils le font lors de périodes de grande activité du Soleil qui brasse la cage en quelque sorte et des particules peuvent nous tomber dessus comme une espèce de pluie et produire les aurores boréales. Le Soleil, d'ailleurs, émet des particules chargées, des protons, des électrons et d'autres ions plus lourds par son champ magnétique et surtout dans les régions très intenses qu'on appelle les taches solaires qu'on peut voir de distance assez bien. Le Soleil a aussi un champ magnétique très organisé. L'intensité moyenne du Soleil, qui est très grand, est de l'ordre de 3 Gauss, donc à peu près 3 fois plus fort, plus intense que celui de la Terre, mais le Soleil a un diamètre 100 fois plus grand, donc l'énergie du champ magnétique solaire est énorme, colossale. Une autre chose aussi, c'est que le Soleil a un champ magnétique qui varie sur une période très rapide. Celui de la Terre, on va y revenir, varie, mais c'est des périodes généralement très lentes. Donc, dans le cas du Soleil, par exemple, on parle du fameux cycle d'activité solaire. Donc, c'est un cycle de 11 ans. Et on voit le magnétisme s'amplifier tranquillement à partir d'un minimum. Là, on est dans une période maximum et son champ magnétique peut atteindre, moyen, peut atteindre de l'ordre de 10 Gauss. Donc, à peu près 10 fois plus intense que ça. Mais dans les ondes des taches solaires, les taches qui nous apparaissent sombres par contraste de température, le champ magnétique peut atteindre 10 000 Gauss. Ah Et oui. cela, ça cause les fameuses éruptions. Ouais. Donc, un point important, puis il faut y revenir, donc le champ magnétique a un champ moyen, sur tout son globe et en dehors de son globe, qui varie sur une période très courte. Donc, je l'ai dit, 11 ans. Et tous les 11 ans, il y a une bascule. Ce qui était le pôle nord magnétique devient le pôle sud. Ah oui. Pôle sud devient le pôle nord. Ah. Et on sait que pour la Terre, cette variation existe, elle se fait sur des millions d'années. Et on sait que pour la Terre aussi, le champ magnétique bascule. Nord passe au sud, le sud au nord. Et dans le cas de la Terre, quand ça se fait, probablement que l'intervalle de faible champ, parce qu'il s'amenuise avant de basculer, dure probablement des millions d'années. C'est ça, ça se fait pas en quelques jours. Mais là, donc, la Terre fait un peu figure d'exception. Elle a un champ magnétique structuré, mais en fait, à quoi il est dû ce champ magnétique de la Terre? Pourquoi la Terre a un champ magnétique et pas sa voisine Mars? Donc, c'est une chose, c'est une intrigue. Donc, une chose qu'on connaît, c'est que qu'on a établi depuis les années 60, c'est que la Terre, c'est un corps fluide. Les continents flottent à la surface d'un fluide qui est le magma, qui est un peu, qui n'est pas liquide. Cette première couche sous nos pieds, sous les continents, sous la croûte terrestre, elle est en quelque sorte une espèce de plastique très mou. Essayez d'imaginer quelque chose qui est comme le miel, mais qui est encore plus épais. Et j'y reviens à pourquoi. Mais l'intérieur qu'on appelle le cœur, le noyau terrestre, qui fait quelques milliers, quelques centaines de kilomètres, le cœur intérieur, et la partie externe du cœur, le cœur extérieur, sont en fait du métal liquéfié. Du métal liquéfié. Oui, c'est comme la température est à, disons, à peu près 5 à 6 000 degrés à l'intérieur de la Terre. Et pourquoi? C'est pour deux raisons. La principale, c'est la désintégration radioactive des éléments lourds qui demeurent radioactifs, qui ont des périodes de vie de l'ordre de centaines et même de milliards d'années, comme l'uranium, d'autres comme des éléments lourds à très longue durée. Il y a même des formes de plomb qui sont radioactifs, etc. Et cette radioactivité génère de l'énergie, de la chaleur suffisamment pour finalement maintenir le cœur en état liquide. Et d'ailleurs, ça chauffe, cette chaleur sort, c'est la source de ce qu'on appelle l'énergie géothermique. Ah C'est oui. ce qui chauffe les magmas dans certaines poches plus à l'extérieur, dont j'ai parlé tantôt, qui fait des volcans. Et ce qui Mais fait aussi que la grande enveloppe extérieure, c'est le magma, qui est une espèce de solide, épais, plastique, qui bouge et qui est responsable, en fait, de la dérive des continents, entre guillemets. Là, ça m'explique pas pourquoi il y a un champ magnétique, parce que je comprends qu'il y a un cœur métallique chaud, mais moi, si je fais fondre du métal et que je le rends liquide, ça va pas faire un champ magnétique. Si vous faites bouger votre métal, il va se produire un champ magnétique. Ah, OK. Donc, tout corps conducteur, si vous le faites bouger, vous faites un champ magnétique. Et à l'inverse, si vous bougez un champ magnétique, vous faites du courant électrique. Ce qui fait marcher l'Hydro-Québec. Vous faites bouger des aimants en faisant tomber l'eau d'une certaine hauteur jusqu'à un niveau plus bas et vous actionnez des électro-aimants et ils génèrent de l'électricité. Donc, Et qu'est-ce qui si vous bouge êtes là, au cœur de la Terre, qu'est-ce qui bouge? C'est tout l'ensemble. Donc, c'est un peu, imaginez l'intérieur de la Terre un peu comme la casserole où vous amenez de l'eau à l'ébullition. Donc, finalement, au début, ça vaut, mais à un moment donné, les bouillons se mettent à bouger. Donc, imaginez l'intérieur de la Terre avec des bouillons de métal fondu. Et en bougeant, ils bougent comme de grandes cellules. Évidemment, ça bouge un peu moins vite que les bouillons de votre casserole. Les mouvements sont disons, on peut les imaginer à l'ordre de quelques dizaines de kilomètres par année. Donc, mais c'est suffisant pour produire un champ magnétique. D'ailleurs, ce champ magnétique n'est pas très intense. On est capable, nous, en laboratoire faire des champs magnétiques énormes et des millions de fois plus intenses que le champ magnétique terrestre ou du champ magnétique solaire. Donc, c'est le principe, c'est que l'intérieur de la Terre est dominé par les métaux lourds, comme le fer en particulier, d'autres parce que les plus lourds se sont enfoncés à l'intérieur de la Terre. Il fait chaud, très chaud, milliers de degrés. Ces métaux sont en fusion et parce qu'il y a beaucoup de chaleur générée, certaines portions, en fait, c'est plutôt la partie extérieure du noyau, sont en mouvement, comme les bouillons de la casserole au fait de bouillir de l'eau. Et ce mouvement, il est évidemment beaucoup plus lent à cause des masses qu'il faut bouger, mais il est suffisant pour générer, d'une part, le champ magnétique terrestre et d'autre part, entraîner des mouvements à la surface qui produisent la dérive, entre guillemets, le transport des plaques continentales à des vitesses de plusieurs centimètres par année. D'accord. Donc là, maintenant, on comprend comment est généré ce champ magnétique terrestre. Maintenant, ce qu'on constate quand même, c'est que ce champ magnétique terrestre, bon, il y a un pôle nord, il y a un pôle sud, mais le pôle nord magnétique ne correspond pas au pôle nord géographique. Est-ce que c'est Exactement, parce normal? Est-ce qu'il aurait dû, par essence, coïncider? Est-ce que les deux pôles auraient dû coïncider? Ou est-ce que ce pôle magnétique pourrait être n'importe où? une excellente question. Donc, c'est en gros, c'est vous pourriez imaginer de faire tourner, je sais, une expérience de l'esprit. Vous faites bouillir de l'eau et vous tentez, vous faites tourner votre casserole. Donc, vous pourriez en quelque sorte faire tourner votre casserole, mais les bouillons ne prendront pas nécessairement une direction privilégiée parce que vous faites tourner votre casserole. Dans le cas de la Terre, il y a un peu ce découplage entre la Terre qui tourne elle-même, qui est un système, une masse énorme, qui a une inertie absolument incroyable parce que la Terre tourne et elle ralentit, on le sait, sur des périodes de centaines de millions d'années. Et on sait que l'orientation de son axe de rotation a une petite variation sur une période de 27 000 ans. Et c'est plus dû à l'influence de la Lune qu'à l'influence de ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur demeure limité en termes d'orientation. Mais les bouillons, entre guillemets, je reviens toujours à mon analogie, vont se déplacer lentement, vont aller dans des directions un peu déterminé par la rotation de la Terre, mais pas tout à fait. Les choses vont bouger et ce qui va produire, en fait, ce qu'on observe très bien, c'est la dérive de la direction de l'axe magnétique de la Terre par rapport à l'axe géographique qui correspond à l'axe de rotation de la Terre. Et en effet, on sait, on observe cette dérive des pôles magnétiques depuis des centaines d'années, et on le sait, c'est de l'ordre de 40 km par année. Pendant des années, on disait que le pôle géomagnétique était au Canada, et c'était le cas dans les années 60-70, et dans les dernières années, le pôle magnétique, entre guillemets, s'est déplacé pour s'approcher assez étonnamment du pôle géographique. Il est peut-être à maintenant quelques centaines de kilomètres. Donc, si vous vous orientez avec votre boussole et vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la déviation par rapport à l'axe magnétique et l'axe de rotation de la Terre, vous n'allez pas trop vous perdre en forêt ou dans un endroit donc il est assez proche. Et probablement, il dérive probablement pour atteindre de l'autre côté par rapport à nous. Peut-être qu'il se retrouvera dans d'ici quelques milliers d'années en Sibérie. En Sibérie, ouais, c'est ça. J'avais lu qu'il se déplaçait vers la Sibérie, le pôle nord magnétique. Donc, le pôle nord magnétique se déplace. Donc, il varie en termes de localisation géographique. Est-ce qu'il Parce que varie? ça varie à l'intérieur, ça bouillonne Oui. à l'intérieur, C'est ouais. ça exactement. Et est-ce que donc ces variations, elles sont aussi en termes quantitatifs? Donc est-ce que le champ magnétique est constant, ou est-ce que des fois il faiblit, est-ce que des fois il forcit? Donc, il y a des variations. Elles sont très lentes, contrairement au soleil dont j'ai donné l'exemple au tout début. Ce qui veut dire que dans l'intérieur du soleil, des bouillons, ça bouge. D'abord, ce n'est pas du solide, ce sont des gaz à très haute densité. Donc, sur Terre, la variation, oui, il y a une variation magnétique, d'ailleurs, une variation locale due à certaines présences du sol qui est plus ou moins conducteur. Donc, il y a une variation, mais elle est très faible. Donc, et avec le temps, l'intensité du champ magnétique, sur une période historique, en fait, l'intensité moyenne du champ magnétique n'a pas varié. La direction, comme on vient d'en discuter, elle, de l'axe général du champ magnétique, a vraiment dérivé de plusieurs centaines de kilomètres. Mais l'intensité reste à peu près la même. Il n'y a pas d'évidence, quoique historiquement, on peut remonter seulement au 17e siècle, mais on sait qu'il y avait un champ magnétique il y a quelques milliers d'années lorsque les Chinois ont inventé la boussole. Ah oui. Donc, ils utilisaient des petites aiguilles qui flottaient sur l'eau, qui s'orientaient dans la direction du champ magnétique. Donc, au moins pour cette période, Ouais. quelques milliers d'années, et on peut présumer que pour toute la période de l'histoire humaine, donc quelques centaines de milliers d'années, le champ magnétique a été avec l'intensité qu'on lui connaît aujourd'hui. Ouais, relativement stable, mais si on remonte plus loin, parce que finalement l'humanité c'est quand même relativement récent dans l'histoire de la Terre, donc si on remonte plus loin, parce que là vous dites des fois le champ, les pôles magnétiques se sont inversés, donc qu'est-ce qui se passe dans la période de transition? Est-ce que il se promène un petit peu partout? Est-ce que le champ magnétique faiblit pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Donc, les évidences historiques, parce qu'on peut enregistrer les roches qui existaient à l'époque, qui étaient en fusion, enregistrer la direction du champ magnétique et on a des moyens maintenant de Ah oui. dériver de ces petits cristaux, entre guillemets, qui ont enregistré le champ magnétique à des millions d'années dans le passé. On peut dériver non seulement la direction qu'avait le champ magnétique, mais aussi son intensité. Donc, oui, la dernière fois que le champ magnétique terrestre aurait basculé, c'est il y a 800 000 ans. Et Ouais. on présume en gros que c'est à peu près une fois tous les millions d'années qu'on perd le nord, entre guillemets. Donc, le champ magnétique disparaît et bascule. Et en effet, comme vous le dites, Valérie, cette période intermédiaire est marquée par le fait de champs magnétiques très, très faibles et probablement une période de quelques dizaines de milliers d'années où, une journée, le matin, vous vous levez, l'aiguille pointe en une direction et le lendemain, elle pointe à 90 degrés et tout. Donc, une période de grande instabilité, magnétique parce qu'il est très, très faible. Donc ça, on l'a C'est-à-dire découvert. que Oui. l'intérieur est désorganisé, entre guillemets, Oui. pour la production de champs magnétiques. Ça revient toujours à ces bouillons, comme dans votre casserole, qui ont toutes sortes de formes et tout, qui sont pas nécessairement toujours bien organisées. Sauf que dans ma casserole, je le sais parce que je vais éteindre le gaz ou pas, là, donc je sais pourquoi, mais là, on ne sait pas la cause, par exemple. On ne sait pas pourquoi ça se désorganise. En fait, c'est plutôt pourquoi, moi je pense c'est l'inverse, c'est pourquoi ça s'organise aussi bien. Ouais. Donc, c'est ça un peu le. C'est un peu comme, finalement, on peut l'imaginer comme un système quasi météorologique à l'intérieur de la Terre. Au lieu d'avoir des cellules atmosphériques qui Ouais. s'organisent et assez bien pour produire, par exemple, une journée, le vent est de l'ouest, le lendemain, il est de l'est, du nord, etc. Donc, on a des jours. Et vous avez des jours où on ne sait pas trop de quelle direction ça souffle, ça change, etc. Analogie utile, mais attention, on fait affaire à des fluides passablement différents. Donc là, on est capable, en examinant les roches anciennes, donc certains cristaux magnétiques peut-être, je sais pas, en examinant ces roches anciennes, on est capable de retracer l'orientation du champ magnétique et sa force. Donc une dernière fois, ça s'est produit il y a 800 millions d'années, vous avez dit, si on Cent remonte, mille ans. 800 000 ans. Oui, c'est Donc, récent. là, donc c'est quand même relativement récent finalement, 800 000 ans sur Oui, l'histoire de la on Terre. était là, des humains étaient bien là, oui. Bah exactement, il y avait quand même déjà une vie florissante à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour la vie à ce moment-là? Parce qu'on disait plutôt le champ magnétique nous protège quand même des rayons cosmiques. S'il y a un champ magnétique affaibli, qu'est-ce qui se passe pour la vie? Donc, pour la bascule récente, on n'a pas d'évidence de changement dans l'évolution de la vie. Il y a 1 million d'années, il y a 800 000 ans, en fait, pour être plus précis. Les formes de vie qui existaient à ce moment-là, avant l'arrivée massive des humains, étaient pour le moins assez semblables à celles d'aujourd'hui, de vie sauvage, surtout de la vie marine, comme Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis un certain temps, les géologues, les paléontologues ont reconstitué des événements dans l'histoire de la Terre beaucoup plus anciens. Et on peut y continuer. Donc, il y a des choses qu'on sait. Par exemple, une période qui a lieu autour d'il y a 500 millions d'années qu'on appelle le... Donc, il y a des périodes où les gens entendent parler du Carbonifère, etc. et tout. Donc, le Cambrien, c'est la période qui était à peu près il y a 500 millions d'années. Et c'est vraiment une période d'explosion de la vie, surtout marine, et peut-être un début de vie végétale sur Terre. Par exemple, vous avez entendu parler des trilobites. Donc, des petits et plus ou moins gros animaux qu'on retrouve sous forme fossile maintenant, et d'ailleurs dans la région de Québec, surtout du côté de Lévis, où on a une zone où les fossiles se retrouvent assez facilement encore, l'Ordovicien d'il y a 400 millions d'années et plus. On retrouve ces trilobites. Mais le Cambrien, c'est l'âge d'or des trilobites, mais pas seulement des trilobites, mais d'une explosion de vie marine. Donc c'est un exemple. Le champ magnétique qui semble avoir existé de manière à peu près comme il était aujourd'hui. Donc aussi avec ses bascules, etc. et tout, sans produire des événements. Mais depuis une vingtaine d'années, surtout une dizaine d'années, on a mis en évidence une période qui précède le Cambrien, qu'on appelle l'Édiacaran. Donc Édiacara. C'est moins connu que le Cambrien, donc ça fait appartient à la grande période qu'on appelle précambrienne. Et là, on a mis en évidence une haute explosion de vie et qui est particulière. D'abord, on a mis en évidence surtout une période de 10 millions d'années de durée où il n'y avait pratiquement pas de champ magnétique. C'est long, ça. 10 millions Très, d'années très sans champ magnétique, oui. long. Dans champ magnétique, dans cette période d'Ediacara. Et qu'on a mis en évidence, c'est l'apparition des formes de vie macroscopiques. Donc, la vie est apparue sur Terre il y a presque 4 milliards d'années, 3 milliards 800 millions d'années. Mais pendant pratiquement 3 milliards d'années, la vie n'existait que sous forme microscopique. Ça vous aurait pris un microscope pour voir ce grouillage de petits organismes dans l'eau. Donc, c'est une période immense où la vie, finalement, faisait pas grand-chose. Il y en avait probablement une abondance colossale qui a laissé des vestiges sous forme de stratification rocheuse qu'on retrouve sur le continent aujourd'hui et sur diverses formes qui pouvaient exister plutôt, genre plantes, etc., comme les stromatolites d'Australie et certains ici dans le nord du Québec. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a à peu près 575 millions d'années, les gens qui regardent les formes de vie notent que l'apparition des premiers organismes qui sont gros, macroscopiques. Il y en a certains, si vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver une espèce de quelque chose qui a l'air d'une espèce de grosse crêpe. D'ailleurs, qui pouvait atteindre le mètre, disons, mètre, un organisme qui se déplaçait. Donc, c'est autre chose, organisme mobile de grande dimension. Donc, certains sont portés à faire une association. Oui, temporellement, il y a un lien entre le fait que le champ magnétique est très, très faible et l'apparition des formes de vie macroscopiques, de gros organismes. Est-ce qu'il y a vraiment cause-effet? Ça, c'est plus difficile à démontrer. Mais la corrélation, elle est étonnante. Période d'environ 10 millions d'années et peut-être plus, et l'explosion de vie qu'on appelle l'explosion d'Avalon. Là, effectivement, est-ce que cet changement du champ magnétique ou cet affaiblissement du champ magnétique aurait provoqué par après une explosion de vie, une évolution vers des formes plus évoluées? C'est effectivement, il y a quelque chose à creuser, hein? Donc, ce serait le fait que Pichon, donc les particules énergétiques émises par le Soleil peuvent pénétrer et atteindre la Terre et produire des mutations. Donc, la mutation ne fait pas nécessairement des organismes plus gros, donc encore là, mais Certaines mutations vont permettre à certains organismes de devenir gros et eux de meilleurs, d'être mieux adaptés à leur Ah oui. environnement et de mieux se reproduire. Ah oui, voilà, effectivement. Bon, bah, c'est tout. On reste dans l'interrogation là. J'imagine qu'il y a des biologistes ou des, comment on l'appelle, des géomagnéticiens, je ne sais pas comment on les appelle, qui C'est le doivent se pencher. paléomagnétisme comme la Paléomagnétiques, ouais, c'est paléontologie. ça qui doivent. Ce serait intéressant de savoir la suite de cette histoire. Puis on peut penser que peut-être le champ magnétique va encore changer, vu qu'il se déplace sur le pôle Nord, ce magnétique se déplace. Est-ce qu'on peut penser qu'on va assister dans quelques millions d'années à une inversion et un affaiblissement encore du champ magnétique? Mais on sera peut-être pas là pour le voir. On est dû pour une bascule d'ici quelques dizaines de milliers d'années. Ouais, mais je pense qu'on peut dormir sur nos deux oreilles parce qu'on a d'autres menaces qui nous qui pèsent sur nous avant cette bascule du champ magnétique. Alors merci beaucoup, Jean-René, c'était vraiment fascinant cette histoire de l'évolution du champ magnétique terrestre. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous les auditeurs et auditrices. Donc, nous étions en compagnie de Jean-René Roy, l'astrophysicien Jean-René Roy. On va faire une petite pause musicale sur CKRL. Et au retour, on parle des techniques de persuasion avec Anthony Bertrand-Grenier, qui fait un doctorat en épistémologie. Partez sans.